Bienvenue à la diffusion de la première émission de Sens Critique, le fil podcast du Café Philo du Collège de Valleyfield. Aujourd'hui à l'émission, vous entendrez l'intégrale d'une communication donnée par Maître Julius Gray dans le cadre de l'intercollégial de philosophie et ayant pour thème la justice du 20e siècle, une déception. En première partie, Maître Gray donnera sa définition du concept de justice, fera la distinction entre justice et équité et discutera de l'accessibilité au système judiciaire. Suivra un bref intermède musical où on aura la chance d'entendre la chanson « Democracy » du poète montréalais Leonard Cohen. Puis, nous poursuivrons avec la seconde partie de la communication où Maître Gray effectuera une critique de la technologie qui n'a pas su, selon lui, dans la sphère du droit, réduire les coûts d'accès à la justice. Également, il parlera des chartes des droits qui posent le danger d'un égalitarisme aveugle et, finalement, il conclura en exposant sa vision de ce qu'il définit comme la vraie justice. Sur ce, bonne émission! Hayek et Rawls, et j'espère Marx aussi, et que vous allez débattre de ces grandes idées. Il me semble que peut-être j'ai été trop pessimiste. Mais je suis pessimiste sur la justice de nos jours. Je pense que notre société va dans la mauvaise direction. Il y a 30 ans à peu près, on a adopté la charte. Le Canada et le Québec se vantent partout au monde que nous sommes la société la plus démocratique. Nous avons cette tendance à nous vanter qui est vraiment... C'est vraiment un bon pays, mais nous avons une tendance de nous vanter qui est parfois difficile à accepter. Nous sommes les meilleurs et tout ça. Et pourtant, le gouvernement ferme toutes les avenues de contestation et il n'est pas, disons, la distance entre les riches et les pauvres devient de plus en plus infranchissable. L'immigration est plus difficile qu'il y a 15 ans, malgré la charte. Les droits ne sont pas respectés. Le droit criminel devient une catastrophe. Je pense que M. Harper a un fantasme d'une gigantesque prison dans laquelle on va mettre 1 ou 2% de la population pour mieux faire peur aux autres. Je vois que toutes ces libertés, malgré la charte, se portent moins bien qu'il y a 20 ans. Mais en fait, je pense que, puisque nous sommes ici en philosophie, je vais parler de ces choses-là, de la justice, de façon un peu plus théorique, tout en ramenant le tout à mon expérience personnelle. Moi, je suis né il y a maintenant 63 ans, ça me fait frémir, il y a maintenant 63 ans en Pologne stalinienne, où j'ai vécu jusqu'à l'âge de 9 ans, c'était une société où il n'y avait pas de liberté, mais où il y avait une certaine dose d'égalité. J'ai toujours gardé une certaine ambivalence. Je ne critique pas l'expérience communiste aussi sévèrement que la majorité des gens dans l'Ouest, tout en reconnaissant que ce n'est pas à répéter et qu'il y avait des abus énormes de droits de la personne. Mais sur la question d'égalité, sur la question sociale, ils ont quand même accompli des choses. Je suis venu ici à l'âge de 9 ans, il y avait beaucoup de liberté, mais il n'y avait pas de sécurité du tout. Mes parents sont venus avec rien, il y avait une crainte, si quelque chose arrivait, on était sans moyens, sans pension, sans assurance maladie. Et là, pendant 30 ou 40 ans, la Révolution tranquille, et pas seulement chez nous, partout dans l'Occident et dans les pays de l'Est, dans les pays occidentaux, dans le vrai sens du mot Europe et Amérique du Nord, il y a eu une vague de justice sociale. Maintenant, quand je pensez à vous-même, tout le monde, je regarde mon bureau où j'ai 7 ou 8 avocats de toutes les origines, les gens dont les grands-pères, grand-mères étaient des paysans en Italie, des paysans quelque part ici, petits commerçants d'origine juive en Pologne, tout le monde est ensemble, tout le monde est égal. Il y a eu une vague de justice, d'égalisation. Qu'est-ce qui a causé cette vague? Et ça, c'est le premier mensonge philosophique. Je vais mentionner M. Hayek, il avait tort. Le premier mensonge philosophique, c'est que le capitalisme a battu le communisme. En réalité, le capitalisme n'a pas battu le communisme. Le capitalisme aurait été battu le communisme facilement. C'est la démocratie sociale qui a battu le communisme. Ce que, lorsqu'on a eu chez nous, à l'Occident, l'assurance maladie, l'éducation gratuite, les pensions, qui aurait voulu avoir la même chose avec la police de Staline en même temps? Le choix, il était facile de démontrer qu'on avait tout à fait la même chose à l'Occident et qu'on n'avait pas besoin de l'autre. Je me souviens, quand je suis allé à l'Union soviétique en 1973, c'était pas terrible, c'était pas une société. J'ai vu l'Inde après, les sociétés en Amérique latine. C'est vrai qu'il n'y avait pas de pauvres dans la rue de Moscou. C'est vrai qu'il y avait une certaine dignité, mais c'était, les gens n'étaient pas libres, les gens étaient nerveux, s'en voulaient l'un à l'autre. Et je me souviens, en 73, après mon voyage en Union soviétique, j'étais dans un train retournant à mon collège à Oxford, et c'était cette civilisation, le conducteur, les gens qui, les concierges à Oxford, tout le monde était libre, prenait des vacances, avait toute la sécurité sociale que l'Union soviétique avait garantie dans les années 20, quand personne d'autre ne l'avait. Mais c'est clair que ce système rendait tant le communisme que le capitalisme complètement démodé. Et Hayek, qui avait dit à cette époque-là que la démocratie sociale mène nécessairement à la dictature, il avait dit parce que la bureaucratie enlève la liberté, il avait tort. Il avait raison sur un point. Il avait raison qu'il y a un danger. Et en étudiant Hayek, il ne faut pas complètement le mettre à côté, ni lui, ni Schumpeter, c'était des gens qui avaient une certaine idée que la bureaucratie peut être dangereuse. Mais il ne fait aucun doute que dans cette société social-démocrate, la société qui a construit des universités, des hôpitaux, qui a réduit les peines de prison, qui a créé la libération conditionnelle qu'on est en train de révoquer, qui a se débarrassé de la peine de mort, sauf aux États-Unis. Dans cette société, les niveaux de justice étaient plus élevés qu'avant. Et si les années 60, les années où j'étais étudiant, il y avait des excès, il y avait certainement des stupidités. Et je me souviens toujours de l'attaque que j'ai eue de la part de l'Association québécoise à McGill, quand j'étais président de l'Association des étudiants, parce que on avait vendu des billets pour la Comédie française qui venait jouer du Molière à Montréal. Ils sont venus nous dire, en 20 ans, personne ne lira ton Molière. Et il y avait des excès de cette nature-là dans les années 60 qui étaient déplorables, mais c'était une époque d'espoir. Aujourd'hui, c'est un peu différent. C'est peut-être après la chute du communisme que le pouvoir du capital est retourné, qu'on a commencé à réduire les possibilités de législation économique. Pourquoi? Parce que si vous légiférez, nous en allons quelque part où les salaires sont moins élevés, où il n'y a pas de syndicats, où on pourra faire plus d'argent. La conséquence était la diminution du niveau de la justice. Et nous nous voyons maintenant dans une société qui a vécu un lavage de cerveau depuis 20 ans. Ce lavage de cerveau, il y a deux ou trois dogmes dans lesquels les gens croient. Premier dogme, que les impôts sont mauvais. Il faut à tout prix baisser les impôts. Si vous baissez les impôts, c'est l'opportunité, c'est l'homme travaillant qui va pouvoir faire fortune. Si vous baissez les impôts, plus d'hôpitaux, plus d'écoles, plus de justice sociale. Si vous baissez, on peut baisser, le niveau d'impôt n'est pas sacré une fois pour tout. Mais l'idée que les impôts sont nos ennemis, qu'on ne peut pas, qu'un politicien ne peut pas se permettre de dire qu'on va hausser les impôts dans certaines choses. C'est dangereux. M. Layton l'a dit la semaine dernière. Il a dit qu'au moins pour les grandes compagnies, il ne faut pas baisser, au contraire. Mais on va voir. Premier dogme, donc, les impôts sont mauvais. Deuxième dogme, les déficits sont mauvais. Une société qui a un déficit est en train d'hypothéquer l'avenir de ces jeunes. Pas vrai. Historiquement, et même un historien de droite, très brillant maintenant, Neil Ferguson, qui vaut la peine d'être lu, Neil Ferguson admet dans The Money Nexus que les sociétés qui dépensaient ont réussi mieux que celles qui ne dépensaient pas. Et on peut vous donner deux exemples de nos jours, de pays extrêmement réticents à dépenser, qui ont vraiment sacrifié des générations des gens. Le Portugal de Salazar, d'éducation, rien. Mais les livres étaient équilibrés, et la Roumanie de Ceausescu. Et vous voyez, les irresponsables en Hongrie, en Pologne, ont emprunté à l'Occident, ont construit des choses, ont donné des vacances à l'argent. Et quelle est la solution aujourd'hui? Les gens vivent toujours mieux en Pologne et en Hongrie qu'en Roumanie. Être pingre pour un gouvernement ne donne absolument rien. Cette idée que les déficits, par exemple, c'est faux économiquement, mais c'est un dogme dont on ne peut pas se débarrasser. Ce qui est vrai, c'est qu'il faut être frugal. Ce qui est vrai, c'est que les gens ne doivent pas dépenser pour rien. Au contraire, voilà la vraie situation. Ceux qui dépensent sur les choses qui sont utiles, sur l'éducation, la santé, l'infrastructure, ils n'hypothèquent pas l'avenir des jeunes. Au contraire, il va y avoir une meilleure société. Mais ceux qui gaspillent ce qu'ils ont, comme Reagan, et notre cher gouvernement qui achète des hélicoptères pour bombarder quelque part, qui vont être dépassés un an plus tard, ceux qui dépensent sur les prisons, ceux qui dépensent sur les choses qui n'ont pas d'utilité sociale, c'est vrai qu'ils vont hypothéquer l'avenir des jeunes et ils vont avoir une génération de gens qui ne sont pas assez instruits, qui n'ont pas la santé que les autres ont. Donc la question n'est pas dépenser ou n'est pas dépenser. C'est comment dépenser. Mais les dogmes de déficit sont tels que personne n'ose proposer de nouveaux programmes ou des dépenses importantes, ou bien ils proposent des dépenses après, d'ici 5 ans ou 6 ans, nous savons bien que depuis 5 ou 6 ans, il va y avoir d'autres élections, puis ils ne promettront rien. Donc, il y a un rétrécissement, une vision étroite des choses, et une diminution du niveau de justice dans notre société où les espoirs des années 60 et 70 semblent avoir flétri beaucoup plus rapidement que ce qu'on aurait considéré comme possible. Mais puisque nous sommes ici en milieu académique, posons-nous une question fondamentale. C'est quoi la justice? Quelle est la définition de la justice? La première chose à dire, c'est que la justice, c'est sûrement pas les règles de droit. D'abord, les règles de droit sont une chose qui n'existe pas, il n'y a, dans l'abstrait, il n'y a rien de plus agaçant que quand les gens me disent « Mais qu'est-ce que le droit dit? Donnez-moi la réponse. C'est oui ou c'est non. On peut le faire ou on peut pas le faire. » La réalité, c'est que c'est pas comme ça du tout. Il y a des règles de droit qui sont interprétées de façon différente par les différentes générations. Par exemple, « séparé mais égal » était égal pour la Cour suprême des États-Unis de 1895, dans Ferguson. Ce n'était pas égal pour la Cour des années 50, et si la Cour actuelle pouvait faire ce qu'elle veut, ça redeviendrait égal pour la Cour de M. Roberts. En d'autres termes, ça dépend. Une autre chose, si un avocat s'était levé en 1950 pour dire que l'homosexualité, c'est tout à fait normal, il n'y a pas de problème, c'est juste une autre façon, on aurait dit soit un fou, soit quelqu'un qui est en train de promouvoir des actes criminels, puisque c'était un code criminel, soit un visionnaire, on aurait ri. Et en fait, j'ai eu cette expérience-là. J'ai défendu le droit d'un réfugié roumain parce qu'il était homosexuel et j'ai été l'objet de l'amusement infini de la commission d'appel de l'immigration en 1980 à Medgray. Quelle autre chose allez-vous inventer? Quelle autre idée allez-vous mettre en avant? Et aujourd'hui, c'est tout à fait normal. Je pense que les causes, par exemple, des pays comme la Roumanie ou des pays sud-américains pour les gays, ça va sans dire. Donc, il n'y a pas de règles de droit absolues. Il y a certaines règles et il y a nécessairement un lien entre le droit et la justice. Il y a trois façons de voir celle-là. Maintenant, nous parlons philosophie de droit. On peut regarder le droit de façon intérieure du droit. Quelles sont les règles officielles? On sait que c'est un mythe, ça ne fonctionne pas comme ça, mais on peut construire un modèle de droit positiviste. On va dire, il y a la Constitution. Après la Constitution, il y a le Parlement, il y a l'Assemblée nationale, il y a des lois, et pour chaque, le droit, c'est un système des règles qui sont obligatoires. Le problème, bien sûr, que ça ne fonctionne pas comme ça, c'est une façon très utile, de mettre de l'ordre. Du point de vue philosophique, je ne regrette jamais avoir eu cette école positiviste en Angleterre. Les grands philosophes étaient l'allemand Kelsen et Austin et Hart en Angleterre, l'école anglaise, mais ça ne représente pas une réalité de droit. Pourquoi? Parce que inévitablement, on tombe sur la question suivante. Mais qu'est-ce qui arrive si la loi est injuste? Il y a beaucoup de lois chez nous qui sont injustes. Mais il y a des systèmes de droit qui étaient pourris de façon absolument totale. Le système nazi, par exemple, avec les lois de Nuremberg. Le système sud-africain avec l'apartheid. Est-ce qu'on a l'obligation d'obéir? Il y a eu des fanatiques du positivisme, Kelsen, qui aurait dit oui, parce que si on n'obéit pas, c'est chaotique, c'est la fin de la civilisation. Mais le grand philosophe anglais Hart, qui était très positiviste, a dit non. C'est du droit. Les règles de droit sont objectivement déterminables. Donc, il croyait dans ce système interne de droit, le système positiviste de droit. Mais vous n'avez pas à obéir si c'est injuste. Si quelqu'un me demande est-ce que l'apartheid c'est du droit? Il était là, je l'ai connu. Que si c'est du droit, je vais dire oui, c'est du droit. Est-ce que je vais obéir? Absolument pas. Je vais désobéir, ils peuvent me punir, mais c'est du droit qui n'est plus contraignant pour des raisons morales. Ce n'est pas satisfaisant. Il y avait un élève du professeur Hart, qui est toujours très actif, qui est la grande voix libérale aux États-Unis. Lui aussi, il désespère. Ça, c'était mon prof. Ronald Dworkin, professeur Dworkin écrit des lamentations dans le New York Review of Books et des livres qui nous disent ça va mal, ce virage à droite. Dworkin a dit voilà le lien, il y a des règles de droit, mais pour les interpréter, il faut les connecter à la réalité des règles éthiques et des règles de notre civilisation. Ce n'est pas abstrait. Par exemple, un juge, quand il dit il n'y a pas de précédent sur telle et telle question, alors j'ai la discrétion, n'est-ce pas? Je peux décider. Mais il ne peut pas dire, mais alors je vais décider en faveur du demandeur parce que le demandeur est plus beau. Il ne peut pas le dire. Il doit dire, si je n'ai pas de précédent, alors là je vais regarder une chose semblable. Où je vais regarder quel sera l'effet pratique de telle et telle décision. Et donc, on retourne à la notion du juste pour le faire. Et finalement, il y a une troisième chose, ça nous vient de Saint Thomas Aquin. Moi, je suis très attaché à cette idée-là, le droit naturel. Le droit naturel était, là, bien sûr, dogme au Québec avant la Révolution tranquille, parce que nous étions tous thomistes, l'Église dominait, mais il y a quelque chose à dire en faveur du droit naturel. En d'autres termes, qu'il y a un lien nécessaire entre les règles de droit et cette chose qui s'appelle la justice. Et la question est comment définir cette justice. Moi, je vous dis, il y a trois choses. Je les prends de la Révolution française, mais je change une parce que je vais vous expliquer mes réserves sur l'égalité. Mais je dis la compassion, la fraternité et la liberté. Ce sont donc des choses de fond. Ce n'est pas des choses de forme. La justice requiert un résultat. C'est un résultat social qui est nécessaire. Et il n'est pas suffisant de définir la justice comme étant un état de droit, un état où tout le monde est entendu, où le juge va dire qu'est-ce que vous avez à dire et qu'est-ce que vous avez à dire. Et là, bien sûr, vous tombez sur John Rawls, 24 heures avant votre cours sur Rawls. Rawls a fait la distinction entre l'équité et la justice. L'équité, c'est précisément cette équité procédurale. Quand nous allons devant la cour, tout le monde a l'opportunité de se faire entendre. Et ça fonctionne toujours chez nous. Cette partie-là, oui, et il y a toujours... bien sûr, des juges bizarres qui n'écoutent pas l'une ou l'autre partie ou qui ont décidé avant de les entendre, mais généralement, ça fonctionne comme ça. Qu'est-ce que tout le monde a l'opportunité de parler, tout ça. Mais l'équité ne garantit pas la justice. L'équité, au contraire, peut mener à la plus grande injustice. Le fait qu'on a entendu tout le monde ne change rien. Un grand exemple historique pourra nous aider. Au 18e siècle, les Anglais se vantaient de leur système de justice qui était si magnifique. Pourquoi? Parce que le procès était juste. On ne pouvait pas contraindre quelqu'un à témoigner. C'était vrai. Et il y avait peut-être une certaine indépendance qui était plus grande qu'ailleurs. Seulement, les Français n'étaient pas convaincus que les systèmes anglais étaient meilleurs. Pourquoi? Parce qu'en Angleterre, on pendait tout le monde. Il y avait 20 fois ou 30 fois le nombre d'offenses en France, on pouvait se faire fouetter, il y avait des marques qu'on brûlait sur les corps des gens, mais pour se faire pendre, il fallait faire quelque chose d'important. En Angleterre, il suffisait de voler une livre ou deux. C'était vraiment... L'Angleterre avait la forme, l'équité, oui, mais la justice, jamais. Et il suffit de lire la littérature anglaise du 18e siècle, Defoe et Fielding, pour voir comment ce gibet était omniprésent à Londres. Une fois par semaine, on envoyait des masses de gens pour être pendus à Tyburn. Je ne dis pas qu'on ne le faisait pas en France, mais avec moins d'équité, il y avait peut-être un peu plus de justice en droit criminel. Donc la distinction est claire. Mais cette distinction m'est venue hier, mardi dernier, quand j'étais devant la Cour fédérale. La Cour fédérale a souvent au Canada, et ça c'est dangereux ce que je vous dis, parce que les avocats ont eu des problèmes quand ils ont critiqué les cours, la Cour fédérale est une cour qui a une grande équité et beaucoup plus grande que leur notion de justice de fond. Il y a des juges, j'étais devant un très bon juge, j'ai gagné ma cause, mais il y avait un élément c'est un bon juge parce que j'ai gagné ma cause, qui m'a fait comprendre la distinction de John Rawls. C'était une cause d'immigration. J'avais pris cette cause d'un autre avocat qui avait eu tant de difficultés avec la cour qu'il a décidé qu'il serait mieux pour un autre d'aller plaider la cause. Et j'ai fait la recherche, c'est une question d'une chose très importante pour l'individu, un droit de venir au Canada pour quelques années, et j'ai trouvé, ou un de mes associés a trouvé, qu'il y avait 5 ou 6 causes qui n'avaient pas été mises dans le mémoire de l'autre avocat. Nous arrivons devant la cour avec d'autres causes en disant, de toute façon, votre Seigneurie, cette décision ne peut pas rester là parce qu'il y a des précédents qui montrent que c'est injuste ce que l'officier d'immigration canadien à New York a fait. Et là, j'ai une objection de la part du gouvernement du Canada, de l'avocat du gouvernement, en disant, il n'a pas mentionné cette cause dans son mémoire, comment est-ce que je veux me préparer? Je suis prise par surprise, dit-elle. Et la juge a dit, effectivement, mais Gray, votre collègue n'a pas étudié ces causes. Là, j'ai parlé Rawls à la cour. J'ai dit, elle soulève l'équité, il y a d'autres façons d'assurer l'équité, comme par exemple lui donner 48 heures pour répondre par écrit, mais il est sûrement impensable de décider une cause sur le fond, sur la base d'une jurisprudence qui est fausse. De ne pas donner ce à quoi le monsieur a droit, parce que son avocat n'a pas mentionné les bonnes causes, serait manifestement équité avant justice. La juge n'a pas répondu à la question philosophique. Elle a tout simplement trouvé que c'était pas juste, ce qui était arrivé. Mais la question philosophique est là. La question philosophique entre justice et équité. De nos jours, on n'a pas attaqué l'équité, mais la justice devient de moins en moins évidente. Alors, allons au problème de la justice de nos jours. Le premier problème, c'est l'accessibilité. La justice ne vaut pas grand-chose si la grande majorité des gens ne peuvent pas l'avoir. Dans un des dialogues, je pense que c'est dans le Gorgias, Socrate a amené quelqu'un, Platon qui écrit, mais c'est Socrate qui parle, a amené quelqu'un à définir la justice de la façon suivante. La justice est la chose qui est importante quand l'objet en dispute n'est pas important. C'est une chose qui n'est pas du tout importante quand l'objet en dispute est important. En d'autres termes, pour des choses qui ne valent pas grand-chose, les gens vont respecter la justice, vont être certains que tout le monde a son plein droit. Mais si la justice n'est pas accessible, si l'individu, si on ne peut pas avoir la justice quand les choses sont importantes, il n'y a pas de justice. Le Canada a beau se vanter en Chine ou partout ailleurs que nous sommes un modèle, la réalité est que l'homme moyen est ruiné par un divorce, il est ruiné par une accusation criminelle, il est ruiné par une accusation en droit professionnel. Même les gens, les architectes, les avocats, les médecins, s'ils doivent se défendre, c'est de centaines de milliers et ils ne l'ont pas souvent. Par exemple, un médecin qui était menacé d'une confiscation par le gouvernement d'une somme de 250 000 $ dans la cinquantaine. Même pour un médecin qui a un bon revenu, ce montant après impôt, ça veut dire qu'il n'a aucune sécurité après si on lui enlève un tel montant. Donc, les gens ne peuvent pas se permettre la justice. I'm sentimental, if you know what I mean. I love the country, but I can't stand the scene. And I'm neither left or right. I'm just staying home tonight, getting lost in that hopeless little screen. But I'm stubborn as those garbage bags that time cannot decay. I'm junk, but I'm still holding up this little wild bouquet. Democracy is coming to the USA. It's coming through a hole in the air from those nights in Tiananmen Square. It's coming from the feel that this ain't exactly real, or it's real but it ain't exactly there. From the war against disorder, from the sirens night and day, from the fires of the homeless, from the ashes of the gay. Democracy is coming to the U.S. stay. It's coming through a crack in the wall on a visionary flood of alcohol from the staggering account of the Sermon on the Mount, which I don't pretend to understand at all. It's coming from the silence on the dock of the bay, from the brave, the bold, the battered heart of Chevrolet. Democracy is coming to the USA. It's coming from the sorrow in the street, the holy places where the races meet, from the homicidal bitching that goes down in every kitchen to determine who will serve and who will eat, from the wells of disappointment where the women kneel to pray for the grace of God in the desert here and the desert far away. Democracy is coming to the USA. Vino Soldo on the mouth harp. Sail on, sail on. Shores of mead, past the reefs of green, through the swaths of hate. Sail on, sail on, sail on. It's coming to America first. It's here they've got the reins, the machinery for change, and it's here they've got the spiritual thirst. It's here the family's broken, and it's here the lonely say that the heart has got to open in a fundamental way. Democracy is coming to the USA. Love again. We'll be going down so deep the river's gonna weep and the mountain's gonna shout amen. It's coming like the tidal flood beneath the lunar sway, imperial, mysterious, in amorous array. Democracy is coming to the USA. Getting lost in that hopeless little screen. But I'm stubborn as those garbage bags that time cannot decay. I'm a junk, but I'm still holding up this little wild bouquet. Democracy is coming to the USA. Rafael Bernardo Gayol on the drums. Maintenant, au début des années 70, quand j'ai commencé, il y avait des dactylos, il n'y avait pas de mémoire dans les ordinateurs, et pourtant, la justice était moins chère. Nous avons perdu une grande opportunité. Quand les améliorations techniques sont arrivées, il aurait fallu rendre la justice meilleur marché. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons utilisé ces choses-là pour augmenter les exigences. C'est les grands bureaux, n'est-ce pas? Les grands bureaux d'avocats, les grands... grandes parties, les grandes compagnies qui se sont fait un système de Cadillac plutôt que le Volkswagen qui aurait été accessible à tout le monde. Maintenant, quand j'allais à la cour dans les années 70, j'avais 4 causes où je citais des causes. Je disais au juge, dans le recueil de la jurisprudence du Québec de 1966, à la page 300, vous allez trouver une cause. Le juge allait à la bibliothèque, il trouvait la cause. Aujourd'hui, il faut avoir des livres bien reliés avec des onglets, et tout doit être souligné pour montrer au juge exactement ce qu'il y a, et il y a toujours un nombre infini de causes qu'on peut trouver. Moi, j'ai remarqué ça aux États-Unis, quand je faisais un peu de recherche en droit américain, parce que c'est une juridiction tellement plus grande, même aux années 70, on pouvait toujours trouver n'importe quoi en droit américain. On pouvait, par exemple, être certain que la jurisprudence de Massachusetts et la jurisprudence d'Alabama seraient complètement contraires. Donc, si on voulait prouver quelque chose, dépendant de ce qu'on voulait prouver, on pouvait le trouver dans les recueils de Massachusetts, dans les recueils d'Alabama. Aujourd'hui, ce que la technologie a fait, mais c'est terrible, on aurait pu, en utilisant la technologie, rendre la justice accessible à tout le monde. Mais à la place, on l'a rendue moins accessible. C'est plus joli, c'est plus impressionnant, et il arrive avec des millions de causes. Maintenant, écoutez, la disponibilité des millions de causes, ça aide les riches et les grands et les puissants. Pourquoi? Parce que le juge moyen sait que le gouvernement va toujours en appel. Quand il va casser une décision du gouvernement, il va bien l'écrire, hein, il va dire pourquoi, il va faire une attention. Mais il y a toujours des centaines de décisions, on utilise le mot latin per incuriam, par incurie, que, où un juge a dit, mais voyons donc, c'est un argument farfelu, ça serait jeté. Et le gouvernement a toutes ces causes-là, puis il les sort, il y a toujours 20 ou 30, on a eu ça en immigration au début, où le gouvernement avait toujours des dizaines de causes non publiées, qui ne disaient absolument rien, mais qui refusaient l'individu. Par contre, chaque cause qui accueillait quelque chose était normalement bien raisonnée. Mais il y en avait moins. Et donc, nous arrivions avec notre cause, et le gouvernement disait, oui, c'est vrai qu'il y a 2 ans, le juge tel et tel à Winnipeg a fait droit à une requête d'un immigrant, mais il y a eu 15 causes depuis où ça n'a pas été suivi. C'est ça la situation aujourd'hui. Mais même à part cette question que le nombre n'augmente pas la justice, le problème, c'est que la technologie a eu l'effet contraire. Ce qui est une pensée sociale, un problème social que je pose à tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la réponse au réchauffement, la réponse à la pollution, la réponse à tous les problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est la technologie. La technologie va nous sauver, la science va nous sauver. Mais je vais bien, je suis pour la science. Je viens pas ici de vous dire que l'évolution, c'est pas vrai. C'est pas le sud des États-Unis que je veux promouvoir. Mais est-ce que nous pouvons être certains que la technologie va rendre les choses plus accessibles, que la réponse, c'est la technologie. L'expérience en droit, dans mon domaine, nous montre que la technologie, une lame à deux tranchants. Oui, c'est très élégant. Oui, ça nous permet à avoir plus de savoir, à trouver des choses. Cela dit, il y a moins de gens qui se souviennent des choses, ce qui est un autre problème, parce que je pense qu'on ne connaît pas les choses. Par exemple, s'il faut faire la recherche chaque fois pour trouver la citation, mais on n'a pas d'idée, on ne connaît pas le droit. Moi, je suis fier du fait que si on me pose une question de droit, j'ai plus ou moins la réponse sur la majorité des questions. Je vais dire oui, bien sûr, sujet à une dernière recherche, mais aujourd'hui on le fait plus, les gens ne le font pas. Mais c'est plus important que ça. La technologie ne rend pas les choses nécessairement meilleur marché. Et là, il y a un problème d'une erreur que peut-être un grand philosophe a fait. Pas tellement Karl Marx, mais son adhérent et associé, Friedrich Engels, croyait que la technologie était la réponse. Et il y a une anecdote où les fondateurs du mouvement socialiste de cette époque-là, parce que Engels et Liebknecht, deux de ces messieurs-là se promenaient quelque part et ils ont trouvé un premier modèle de locomotive électrique. Et ils ont dit, voilà la réponse au problème de transformation de Marx. Cette locomotive, c'est la réponse. On va tout résoudre avec la technologie. Je ne suis pas sûr. Et c'est un problème important, un problème majeur. La question est, qui contrôle la technologie? Oui, la technologie peut être utilisée pour la santé, peut être utilisée pour la pollution. Mais la technologie peut aussi être utilisée pour la surveillance, pour le maintien du contrôle, pour les monopoles. Et donc, la technologie n'est pas une réponse qu'on nous pouvons donner de façon béate et heureuse. D'ici 20 ans, il n'y aura plus de problème, c'est la technologie. Je n'en suis pas sûr. Deuxièmement, nous avons le problème des chartes des droits et de leurs limites. Les chartes ont vraiment des limites. La charte est un instrument très utile. J'aime la charte parce que ça me permet de ne pas argumenter procédure. On dit voilà, la charte est là, vous pouvez le faire. Mais en réalité, il y a des problèmes très graves. Parce que tout le monde se veut victime de nos jours. Ce n'est pas seulement les groupes qui avaient besoin de la charte. Les homosexuels, par exemple, ça, c'est le grand succès de notre charte, dans la Reverend et tout ça. Mais c'est également les groupes des victimes, soit dites victimes, tout le monde veut être victime, les groupes de pression, les groupes égalitaires, qui disent la charte, c'est notre instrument. Et de nos jours, certainement, il y a un abus de la charte dans le sens des victimes. Les gens ne comprennent plus que l'important, c'est la protection de la liberté. Et les lobbies semblent gagner le débat. Je vais vous donner la rectitude politique et toutes ces choses-là. Le danger, c'est vraiment l'égalitarisme. Tout le monde est pour l'égalité, n'est-ce pas? Quand la Révolution française a dit « liberté, égalité, fraternité », de nos jours, tout le monde est pour l'égalité. À cette époque-là, ce n'était pas le cas. Il y avait des gens comme Joseph Maître et d'autres qui disaient « l'égalité, c'est très dangereux. Il faut avoir une aristocratie, il faut maintenir les limites. » Aujourd'hui, tout le monde est égalitaire. Mais il n'y a rien de plus dangereux que l'égalité technique sans l'égalité économique. C'est l'idée de M. Harper, n'est-ce pas? Tout le monde est égal. et la droite républicaine aux États-Unis. Il parle des, aux États-Unis, constamment, le Parti républicain, Sarah Palin, va nous parler des élites libérales. Ils ne sont pas égalitaires. Le petit homme ne fait pas partie de cette élite. Vous savez, M. Kerry a été pratiquement crucifié. Pourquoi? Parce que M. Kerry, quand il était candidat pour la présidence des États-Unis, a eu une conférence de presse dans laquelle le représentant du monde a dit « Monsieur Kerry, quelle est votre réponse au problème européen ?» Puis Kerry répond en français. Ben, on l'a détruit. L'homme moyen américain, est-ce qu'il répond en français à un journaliste du monde? Vous voyez que Monsieur Kerry n'est pas un de nous autres. C'est un égalitarisme formel. Égalitariste, tout le monde doit être traité de la même façon. Les gens ne comprennent pas l'importance de l'exception. Et ça, c'est à droite et à gauche. Il y a des gens qui m'en veulent à mourir pour le kirpan, parce que tout le monde doit être assujetti aux mêmes règles. Pourquoi lui, il a le droit d'avoir un couteau, et un autre n'a pas le droit d'avoir un couteau? Mais la réponse est sûrement, parce que lui, il n'ira pas à l'école, il n'ira pas à l'école publique, s'il n'a pas son kirpan, qui n'est pas un couteau. Et soit on va créer un système des écoles séparées pour les minorités, qui n'est pas du tout souhaitable, soit il n'ira pas à l'école. Et ça nous ramène à la situation de la Pologne, que le pays que j'ai connu très bien, parce que c'était mon pays. Ma grand-mère m'a raconté comment c'était avant la Première Guerre mondiale. Il y avait des écoles, mais les Juifs n'y allaient pas. Pourquoi? Parce qu'on travaillait 6 jours par semaine, y compris le samedi. Puisqu'ils étaient absolument contre toute exception, ça voulait dire que 10% de la population n'allait pas à l'école. Et l'argument était le même. S'il va à l'école, il suit les mêmes règles que nôtres. Et il est le bienvenu. En fait, ma grand-mère, qui était d'origine juive, mais qui avait une famille pas pratiquante, est allée à l'école. On l'a admise. Elle est allée à travailler le samedi, c'est tout. Mais donc, elle avait les opportunités que 90% d'autres gens n'auraient jamais eues. Mais aujourd'hui, les gens nous disent pas d'exception. Tout le monde doit être traité de la même façon. Le kirpan, cette exception, permet effectivement aux gens d'avoir l'éducation qui est importante. Bergevin contre la commission scolaire de Chambly. Il y avait 3 professeurs juifs et on dit « Nous ne voulons pas travailler les 3 jours sacrés du calendrier juif. » La réponse de la commission scolaire et du syndicat était « On a une convention collective ». Ces 3 jours-là, en septembre, malheureusement, c'est 2 jours ouvrables, vous travaillez ou vous n'êtes pas professeur ici. Mais c'est une réponse farfelue. C'est une réponse farfelue. Parce que c'est à l'avantage tant des enfants à Chambly d'être exposés à des professeurs d'origine juive pour savoir que c'est pas des commerçants du petit coin, que ce sont des gens humanistes, ouverts, etc., que c'est dans l'intérêt de ces gens-là de travailler dans un milieu francophone de Chambly pour apprendre que tout le monde ne les déteste pas, qu'ils ne sont pas persécutés. C'est à l'avantage de tout le monde de les avoir là. L'exception bénéficie à tout le monde. Mais aujourd'hui, nous ne voulons pas faire d'exception. Nous prétendons, par exemple, qu'il faut avoir des peines fixes. Peu importe que cet homme-là a fait beaucoup de bien avant, peu importe, c'est 5 ans pour ce qu'il a fait. Il n'y a pas d'exception, c'est la règle. La règle de droit, tout le monde est traité de la même façon. Est-ce que c'est juste? Est-ce que les gens ont vu le film Crash qui a gagné le Oscar pour le meilleur film il y a 3 ou 4 ans? Il y avait un incident très intéressant là, où un policier qui a finalement commis des voies de fait indécentes contre une femme noire la veille, s'est lancé, s'est précipité pour la sauver d'une auto qui pouvait exploser le lendemain. Les gens changent. Il n'est pas nécessaire de punir de façon la plus sévère tout de suite. Et la justice exige des exceptions. Je veux poser une autre question. Il y a des gens qui se fâchent si quelqu'un passe avant eux en ligne, en attendant quelque chose. Y a-t-il quelque chose de répréhensible si, en attendant chez les médecins, un monsieur ou une madame en charge du département de l'urgence à l'hôpital passe avant quelques personnes qui attendent là pour une procédure tout à fait ordinaire et non urgente quand tous les patients les attendent quelque part ailleurs. Mais bien sûr que ce n'est pas répréhensible. C'est une chose normale de passer l'urgentologue immédiatement pour qu'il puisse s'occuper de quelqu'un. Mais la règle, ce que tout le monde attend surtout, n'est-ce pas? Les gens se fâchent terriblement si quelqu'un passe avant eux. L'exception est une chose absolument nécessaire pour la justice. Il est donc tant à droite qu'à gauche, il y a un courant d'égalitarisme qui est dangereux. Pour moi, l'égalitarisme fondamental, qui est important, comprend quelques éléments. D'abord, la valeur de chaque être humain. Chaque être humain vaut autant qu'un autre. Ce n'est pas vrai que la vie d'Einstein vaut plus que la vie d'un mendiant dans la rue. Je sais que le grand dramaturge anglais, George Bernard Shaw, a posé cette question dans le Doctor's Dilemma, et il est peut-être venu à des réponses différentes, mais c'était à la mode à cette époque-là de penser qu'un être humain vaut plus qu'un autre. Je ne le pense pas. La vie de chacun vaut la même chose. Je pense qu'il y a également un égalitarisme qui est nécessaire en matière économique. Une société où les écarts sont trop grands ne peut pas être juste. C'est parce que les lois du marché, que tous nos amis à droite vantent comme la grande découverte de nos temps, les lois du marché font en sorte que si certains ont plus d'argent que d'autres, ils vont pouvoir prendre des choses qui sont importantes. Maintenant, regardons notre société. L'idée, malheureusement, ne vient pas de moi. C'est le sénateur Moynihan des États-Unis qui l'a écrit dans un article dans les années 70. Pourquoi les gouvernements ont-ils tant de difficultés aujourd'hui à financer les services? C'est parce que le secteur privé a gardé toutes les choses qui sont devenues bon marché. Il est facile de produire 100 chemises maintenant. On peut acheter une chemise pour presque rien. Facile d'acheter les objets électroniques, les caméras, tout ça, c'est très bien. Mais qu'est-ce qui est devenu plus cher? C'est les services. Les services, ça veut dire l'éducation, la santé. Donc, le gouvernement est resté avec les choses qui sont chères et qu'on ne peut pas donner à tout le monde. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là si on privatise ces choses-là? Ceux qui ont l'argent, ce n'est pas la chemise qu'ils vont avoir. Tout le monde va avoir une chemise dans notre société. Peut-être pas en Inde, mais chez nous, tout le monde va avoir la chemise. Peut-être tout le monde va avoir une auto. C'est l'éducation et la santé et ces choses-là qui n'iront pas à ceux qui n'ont pas la justice. Et qu'est-ce qui arrive là? La formation de nouvelles classes. Parce que ce qui est arrivé entre 1945 et 1990, c'était l'abolition du système de classe. Les gens se mêlaient de toutes sortes de façons. Qui aurait pensé, quand je suis arrivé comme un immigrant au Canada en 57, que je serais marié 23 ans plus tard à une francophone de souche? Mais c'est parce que les barrières sont tombées. Il n'y avait plus de différence. Ce qui va arriver dans un système d'inégalité, ce que les services, les bonnes écoles, les bons hôpitaux, les voyages vont appartenir à un groupe seulement et nous allons former de nouvelles classes. Mais il y a un précédent historique que les gens devraient connaître. Du temps de César et l'empereur Auguste, il y a eu la victoire des gens qui s'appelaient le populares, le parti populaire a gagné, puis il y a eu un mélange. Effectivement, les fils des esclaves sont devenus, dans une génération, les conseillers des empereurs, et il y a un grand livre écrit sur ça d'un dénommé Sayers en Angleterre dans les années 30, qui s'appelle The Roman Revolution, qui parle de ce moment où les barrières sont tombées, du temps d'Auguste. Mais qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Par la suite, il y a eu une nouvelle aristocratie, la nouvelle classe sénatoriale qui s'est formée. C'est vrai qu'il y avait quelques descendants d'esclaves parmi eux, ceux qui avaient fait fortune, ceux qui avaient réussi du temps d'Auguste, mais 100 ans ou 200 ans plus tard, il n'y avait plus la mobilité et au contraire, quand le système féodal a commencé à s'installer, c'est parce qu'on a obligé les fils de suivre les professions de leur père. Donc, on est en danger de la répétition du même phénomène chez nous, parce que l'égalité économique n'est pas là. De la création de cette nouvelle classe, des gens qui auront eu l'éducation, la santé privée, les bons hôpitaux et tout ça. Et encore une fois, il est vrai que tout le monde aura la chemise. Il est vrai que le gouvernement, coupant les taxes pour une courte période, va sûrement donner une opportunité d'acheter quelques objets de consommation de plus et de gagner des votes. C'est quelques années plus tard que les gens vont réaliser. Un peu comme ils ont réalisé en Allemagne de l'Est. L'Allemagne de l'Est avait des théâtres, des musées, heureusement, l'Allemagne de l'Ouest, c'est pas un pays d'extrême droite non plus. Alors, on a gardé une bonne partie de cela. Mais les gens ont remarqué, après, quelques années après, que malheureusement, ce n'était pas un gain pur. Ils avaient perdu certaines choses. C'est pourquoi, aujourd'hui, l'ancien Parti communiste récolte toujours 40% des votes dans la région qui était l'Allemagne de l'Est, malgré le fait qu'ils ont abusé du pouvoir d'une façon magistrale. Ceux qui ont vu le film « The Lives of Others », « Les vies des autres », vont savoir comment ils ont espionné, ils ont fait toutes sortes de choses. Mais on a compris que le pouvoir d'acheter quelques objets de consommation ne remplace pas les services que le gouvernement donnait. Donc la règle pour l'égalité, c'est sûrement... Elle vaut la peine seulement si elle est économique. L'égalité ne se mesure pas par le nombre de femmes, le nombre de minorités visibles dans chaque comité. Ça ne se mesure pas par la distribution de postes. C'est la question fondamentale. Quel est l'écart entre les riches et les pauvres? Je viens donc, à mon avis, la charte maintenant est en train d'être abusé et appliqué dans des choses où il ne devrait jamais exister. Par exemple, aujourd'hui, si quelqu'un blesse quelqu'un par une remarque raciale, ethnique, féministe, antiféministe, il peut être poursuivi. Et par exemple, j'ai maintenant un monsieur qui était le propriétaire d'une compagnie qui a remarqué, il y avait beaucoup d'employés chinois, et il a remarqué que la toilette était absolument inutilisable, matière fécale sur le plancher, des choses terribles, la cuisine aussi, et il a sauté des sectons. Il a crié comme un fou. Lui, il dit qu'il a crié « In Canada, we don't eat like pigs ». Certains employés ont dit qu'il a crié « Chinese eat like pigs ». Quelle que soit l'expression qu'il a utilisée, ça ne devrait pas être devant la cour. Les gens ont le droit de se fâcher. Ils ont le droit de dire des choses stupides. Retournons au film « Crash ». Le policier qui a abusé de cette femme était le héros qui lui a sauvé la vie le lendemain. Si quelqu'un dit une expression, l'idée d'une police de nos pensées, de quelqu'un qui raconte une blague grivoise à une secrétaire, elle s'est dit humiliée, c'est la fin de la liberté. Nous vivons dans une société rangée où chacun doit faire attention à ce qu'il dit. Alors je retourne à la dernière chose, la vraie justice, le fond de la justice, c'est quoi? C'est la compassion, premièrement. Nous avons perdu la compassion. Maintenant, nous voulons punir. Les ordres professionnels, les cours criminels. Si vous lisez ce qui arrive, tout le monde a... Quand j'étais étudiant en droit, nos héros, c'était les avocats de la défense, les gens qui pouvaient aider. Et aujourd'hui, quand on fait la défense, tout le temps, les gens me demandent « Comment pouvez-vous défendre ces gens-là? Ne pensez-vous pas qu'ils devraient être punis? » Il faut punir. Et les médias expriment leur satisfaction. Prenons un cas extrême. notre fraudeur aux États-Unis qui a eu 150 ans de prison. Mais qu'est-ce que ça donne de condamner quelqu'un à 150 ans? Alors, la compassion veut dire qu'on utilise la prison le moins possible, qu'on laisse toujours un espoir à chacun, qu'on permet la réhabilitation des professionnels qui ont fait une erreur, qu'on la société ne doit pas être dure. Les gens se vantent de leur dureté. Et nous vivons également dans une société des gens qui se plaignent constamment. Et pas toujours les bons. Parfois, il y a des gens qui ont quelque chose de sérieux et ils se plaignent pas. Ils ont quand même l'horreur de la délation qui existait avant. Par contre, la délation devient la mode. Je n'ai jamais été aussi outré que par un article dans le London Review of Books, dans lequel quelqu'un a suggéré que la délation, c'était une chose terrible dans une dictature ou dans une monarchie absolue, quand le roi faisait des choses pour lui-même. Mais dans une société démocratique, nous avons l'obligation d'être délateur si quelqu'un ne suit pas la loi. Et ce qui m'est revenu, c'était ma Pologne natale, où effectivement, dans les années 50, on disait, vous savez, ceux qui étaient des délateurs pendant l'occupation nazie, qui étaient responsables pour le meurtre des enfants juifs, c'est là, il faut les pendre. C'est des bandits, c'est des traîtres, c'est des monstres. Mais maintenant que les ouvriers contrôlent les usines, il faut être délateur. Il y a toujours, chaque société pense qu'elle a la vérité et qu'il faut être délateur. Moi, j'aimerais que nous ayons un peu horreur du délateur, comme nous avions dans le passé, qu'on fait ressusciter un concept d'honneur, une chose qu'on ne fait pas. Bien sûr, on punit quelqu'un qui est dangereux, on ne laisse pas les fous furieux dans la rue, on élimine les avocats voleurs, les médecins qui ne pratiquent pas de façon scientifique, mais on arrête l'application constante des règles minimes pour punir. La fraternité, c'est la même chose. Il ne faut pas permettre un gouvernement par des lobbies hostiles l'un à l'autre. Le lobby des femmes, le lobby des hommes, le lobby des immigrants, le lobby francophone, les nationalistes, les autres. C'est les individus qui doivent avoir cette fraternité, cette idée fantastique de la Révolution française, que nous oublions parfois, et nous pensons que, encore une fois, c'est les règles qui comptent. Chacun doit avoir son groupe. Le Canada est très, très coupable d'avoir encouragé le collectivisme de cette nature-là. Et pour moi, le grand coupable, c'est le multiculturalisme. C'est une sottise. Dans une société, il faut avoir une culture commune. Il faut tolérer les autres cultures. Et quand les autres cultures arrivent, la culture commune de la génération après, ce n'est plus la culture antérieure. Les autres ont fait leur contribution. J'ose penser que quand on allait dans une taverne, dans une petite ville québécoise du 19e siècle, il n'y avait pas de spaghettis sur le menu. Il n'y avait pas de sushi, c'est sûr. Je pense que tout le monde qui vient fait une contribution, mais la culture doit être commune. Et il faut décourager ce multiculturalisme qui est l'antithèse de la fraternité. La fraternité est définie par ces mots du grand poète Villon quand il a commencé la ballade des pendus, frères humains qui après nous vivaient. Et c'est cet appel à la fraternité humaine qui doit être la chose nécessaire pour la justice. Mais finalement, la liberté. La liberté est importante parce que chaque société pense qu'elle a découvert toute la sagesse du monde. Notre société pense, par exemple, le Québec dit toujours que la base de notre société, c'est l'égalité des hommes et des femmes, c'est la laïcité et la démocratie. Mais si on avait demandé à Hérouville, en 1955, quelle est la base de la société québécoise, il aurait dit, c'est la religion catholique et la puissance paternelle dans la famille. Donc, dans l'espace de 50 ans, c'est le contraire qui est la base. Il faut avoir la liberté pour dire non. Chacun a le droit de dire non aux choses les plus sacrées. Par exemple, questionner la démocratie, ça s'est fait. La liberté est également importante parce qu'elle est vraiment dangereuse. On répète constamment démocratie, démocratie, démocratie, mais la surveillance devient totale. On dit que toutes nos conversations téléphoniques sont maintenant captées par des satellites. On peut, en quelques heures, trouver n'importe qui, n'importe où. On peut avoir un portrait de tout ce que nous avons fait en utilisant nos cartes de crédit et nos téléphones cellulaires. Il existe une diminution de la liberté et, soyons sérieux, toute erreur. Nous disons que nous avons la liberté d'expression, mais toute erreur que nous commettons peut être fatale pour notre carrière. Je vais vous donner l'exemple. Quelqu'un qui fait une remarque qui est considérée comme sexiste au mauvais endroit, quelqu'un qui dit quelque chose de très radical, il ne peut jamais récupérer. Il est pour toujours marqué par cela. De plus, nous sommes marqués par un casier criminel, si ça arrive. Le droit criminel est de plus en plus strict, de plus en plus facile d'avoir quelque chose, et c'est la carrière entière qui est terminée. Nous vivons dans une société qui, malgré notre vantardise, est de moins en moins libre. Ce que j'ai dit, c'est que dans une société où tout est enregistré, où tout est surveillé, où il y a des conséquences très sérieuses pour les accros à la rectitude politique, l'avenir appartient à l'homme rangé. C'est lui qui fait toujours attention, qui n'est pas très extrême, qui passe ses nuits dans le lit où il est supposé passer ses nuits et pas dans un autre, qui ne fait pas beaucoup de bruit. D'ailleurs, ça toujours peut-être été comme ça. Shakespeare, dans les tragédies de Shakespeare, c'est toujours l'homme rangé qui gagne. C'est lui qui a une passion. Par exemple, Marc-Antoine, il est tué par sa passion. Il commence sa tragédie en disant « Tout ce qui compte pour moi, c'est Cléopâtre. » Mais c'est certain qu'il va être détruit. C'est Octave qui n'a pas de passion qui est là. Hamlet, qui a une passion de vertu et une incertitude, une certaine attitude dépressive, il va être détruit. C'est Fortinbras. Ceux qui veulent, il y a un très bon état du Nouveau Monde en Hamlet fantastique maintenant. C'est Fortinbras, un homme qui ne pense pas, qui est là. L'avenir appartient à l'homme rangé. Mais c'est encore pire dans notre société. Il faut faire très attention. Alors moi, je dis que la justice, si on veut avoir la justice, il faut avoir la compassion, la fraternité et la liberté pratiquement la plus totale. C'était la liberté qui était l'erreur de l'Europe de l'Est. Et il faut avoir l'accessibilité à la justice pour pouvoir faire valoir ses droits de fond contre les riches, les puissants. Et c'est ça la bataille que l'on mène. On essaie de prendre les causes que les autres ne prennent pas, de gagner des victoires, mais chaque fois qu'on gagne une victoire, le gouvernement légifère encore une fois pour fermer la brèche qu'on a ouverte. Donc, c'est une bataille constante pour la justice. Nous sommes en train de la perdre. Ce n'est pas avec la technologie, ce n'est pas avec la globalisation que nous allons la gagner, mais avec cette compassion, fraternité, liberté, la tolérance, des erreurs d'autrui et la grande ouverture des tribunaux et d'autres institutions à ceux qui aujourd'hui ne peuvent pas se les permettre. C'est déjà tout pour cette première édition. Nous espérons sincèrement que vous avez apprécié l'émission de cette semaine. La semaine prochaine, à Sens Critique, nous aurons la chance d'entendre une communication de Michel Lecomte, qui est bio-anthropologue et ayant pour thème l'humain, fruit de l'évolution, qu'est-ce que ça implique? D'ici là, vous pouvez vous tenir informé des activités du Café Philo du Collège de Valleyfield en joignant la page Facebook de l'activité. Sur ce, merci d'avoir été là et à la prochaine!